Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Aujourd'hui, nous rendons un petit hommage à tous ces professeurs qui nous ont dit un jour, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est un petit peu inconvenant quand le professeur nous demandait de répéter après lui et que nous en étions bien incapables malgré une audition parfaite. Aujourd'hui encore, même si le regard sévère du professeur n'est plus là, notre qualité d'écoute nous fait parfois défaut et nous joue de vilains tours. Pourquoi et comment mieux écouter? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel scientifique. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être encore parmi nous aujourd'hui pour nous aider sur cette thématique. Première question donc, Stéphane, comment définir une bonne écoute? La bonne écoute est le comportement adéquat lors d'un échange verbal en présentiel ou à distance, hein, par téléphone ou en visioconférence, par exemple, qui vous permet d'entretenir une relation interpersonnelle de qualité avec un individu, donc un proche, un collègue, un client. L'écoute, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas simplement forcer l'oreille pour bien entendre votre interlocuteur, mais déployer une batterie d'outils pour augmenter votre capacité de compréhension, voire d'empathie. Carl Rogers, un éminent psychologue américain, l'a qualifié d'écoute bienveillante. Il est le premier à avoir développé cette approche dans le but initial d'accompagner l'expression des émotions. L'écoute est une compétence et, comme vous le savez, toute compétence Ce travail. se Je vous travaille. écoute, Stéphane. Pourquoi certaines personnes plus que d'autres ont du mal à être à l'écoute? L'écoute au sens profond, comme nous l'exposons aujourd'hui, si elle est spontanée chez certaines personnes très empathiques, n'est pas automatique chez tout le monde, ça on en est bien conscient. La vraie écoute demande un effort et nous le savons combien l'humain n'est pas très copain avec l'effort et une vraie capacité à ne plus penser à soi durant un échange pour se consacrer et se concentrer sur l'autre exclusivement. Alors occupés ou préoccupés par leurs propres soucis, certains sont centrés sur leur personne et s'attachent à parler d'eux ou de leur univers et n'ont que très peu d'intérêt pour les propos et la vie des autres, donc pas d'écoute. Par ailleurs, il y a les individus à l'ego surdimensionné qui invitent à imposer leurs idées coûte que coûte sans prendre le temps d'écouter la vie des autres, étant persuadés d'avoir la voix de la vérité, donc encore une fois, pas d'écoute. Entre les deux, ben, entre ces deux points extrêmes, il y a tous les autres. Charge à vous situer dans ce joyeux monde. Pourquoi est-il si important de bien écouter? Nous nous appliquons de plus en plus sur le travail en équipe et par le besoin accru de la communication et des relations interpersonnelles. Nous nous sommes rendus compte que dans le cadre de cet échange constructif, qu'il nous fallait immanquablement intégrer la notion d'écoute, à l'écoute de son environnement, à l'écoute des autres. Alors, c'est également valable dans tout type de relation, hein, de la vie de tous les jours, entre amis, en famille, en couple. Et il a été montré scientifiquement qu'être à l'écoute des autres augmente significativement notre bien-être, dans le même sens qu'être altruiste, par exemple. Et si nous allons encore un petit peu plus loin, il a été démontré que les personnes dans la réussite professionnelle étaient plus réceptives que la moyenne. Et autre petite question, peut-on être trop à l'écoute des autres, Stéphane? La question est très bonne et la réponse est oui, car pour certains, c'est très, voire trop gratifiant et commode d'écouter les autres, de rester en retrait et de se dire que notre situation est bien plus enviable. Tout excès n'étant pas recommandé pour les fragiles humains que nous sommes, trop d'écoute pourrait nuire à votre équilibre, car le risque serait de réduire votre relation que à cela, sans plus laisser de place à un échange équitable. Vous n'êtes ni la hotline des SOS Amitié, ni un psychothérapeute, donc attention aux excès d'écoute qui pourraient vous réduire à une simple fonction d'oreille attentive et de vous oublier. Oui, c'est ça, parfois ça peut même nuire sur notre morale, finalement, si on a un petit coup de mou. Oui, parce qu'on parle d'empathie, d'écoute, mais lorsqu'on va au-delà, on est dans la sympathie, et au-delà de comprendre les émotions des autres, on va les absorber, et comme vous le dites, Émilie, ça peut être mauvais pour vous. D'accord. Comment bien savoir écouter Stéphane? Si elle demande toute votre attention, l'écoute se réalise à différents niveaux sensoriels. Elle est d'abord bien sûr auditive, avec l'appréciation du langage verbal et du paraverbal, qui sont les paramètres du verbal, notamment la voix, le ton, le rythme, le débit, le volume, la respiration éventuellement. L'écoute est ensuite visuelle, par l'observation du langage non verbal, les indices corporels, comprenant le corps et les expressions du visage, ce qu'on appelle les signaux de la communication. Et pour une bonne écoute, il est indiqué aussi d'être conscient du fonctionnement de sa propre communication et de son propre langage verbal. Hein, ça, c'est incontournable. Savoir ce que l'on renvoie à l'autre. Après, il s'agit peut-être de ne pas interrompre votre interlocuteur. Posez les bonnes questions. Ne jugez ni les propos, ni les comportements, ni la personnalité de l'autre. Donnez des signes montrant que vous êtes dans une écoute active. Reformulez ces propos pour montrer que vous comprenez. Respectez les silences. Être authentique peut-être, si c'est possible. Écoutez pour comprendre et non pas pour répondre. Travaillez sur votre empathie et votre bienveillance. Ce n'est pas du luxe. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Merci beaucoup, c'était très intéressant d'avoir ce mode d'emploi, comme quoi c'est pas si simple hein, finalement d'avoir une bonne qualité d'écoute. Encore une fois, c'est un travail, c'est une compétence qui se travaille. Ouais. Merci. Voilà, comme vous le disiez, si justement Stéphane, si vous jugez que votre qualité d'écoute est insuffisante et que cela nuit à votre compréhension, à vos relations ou encore à vos projets, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un coach qui saura vous apporter les outils adéquats. C'est bien cela, Stéphane? Tout à fait, ouais, n'hésitez pas, hein. Ça fait partie du comportement et du savoir-être et de la communication et de la relation interpersonnelle, oui. Voilà, vous traitez très bien ce genre de problématique, donc n'hésitez pas à rejoindre Stéphane. Il est joignable en consultation privée, que ce soit par téléphone, en face à face ou encore en visio par Skype ou WhatsApp. Nous mettons toutes les informations pour rejoindre Stéphane dans le descriptif de la vidéo. Vous le retrouvez également sur son site internet stéphane-maçon.fr. Stéphane-Masson, MA2SON.fr. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux, sur votre compte Instagram. Stéphane, c'est bien ça? Oui, compte Instagram, stéphane.masson.coach. Voilà, Stéphane.Masson.coach pour ne rien perdre de tous vos bons conseils. Stéphane, un grand merci. Avec plaisir, Amélie. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. À bientôt! À bientôt, au revoir à tous.